démarre l'année sur les chapeaux de roue en célébrant la fête de l'amour. Le jour du 14 février, pour tous qui font semblant de s'aimer. Deux mois plus tard, c'est pas bien mieux. On se baisse pour amasser les œufs. Voilà que les cloches sont devenues des commerciaux à cœur perdu. Quand le soleil pointe son nez, il est grand temps pour nous d'acheter 2 sauts, 4 pelles et 3 raquettes. Voilà les vacances et vive la fête. Réglés comme des pendules, l'occasion donne la à la grande bouscule sur la côte là. Voilà quoi la foule, on est réduite des repères absents, une triviale poursuite. Septembre annonce la fin de cette grande mascarade. Le petit dernier doit rejoindre ses petits camarades. Pour lui rien n'est plus beau qu'un joli Waterman, le classeur de Zidane et le sac de Jordan. Octobre, Halloween, fête bien française, qui naquit à Milan, sur les terres irlandaises. Peu importe par magie, on l'intègre au patrimoine. Les citrouilles, les carottes font avancer les ânes. À la fin de l'année, c'est le comble du bonheur. Les guirlandes et les boules, c'est l'épinard et le beurre. On est bien tous ensemble, contents d'avoir bouclé un nouvel épisode de nos vies programmées. Réglés comme des pendules, l'occasion donne là des vacances à Kitzbühel ou à Cramontana. Si par malheur un jour l'un doit se demander pourquoi je suis la foule, y'en aurait un de sauvé. Se demander pourquoi je suis la foule, y'en aurait un sauvé.